Les ténèbres du passé. Je te dirai tout, petite. Dû celui qui est là-dessous en souffrir, et cela pourra lui compter comme atténuation de peine au méchant séjour où l'on conduit certainement ses mauvaises actions. Parce que je crois bon que tu connaisses tout, afin de te faire toi-même un jugement plus équitable, et ne pas te laisser influencer dans un sens ni dans l'autre par ce qu'on pourrait te raconter ensuite, et que j'aurais évité de t'apprendre. » Et Tinaïk Cornou planta ses yeux luisants sur la figure blêmissante d'Anne, qui n'osait soutenir son regard. Elle eut une grimace apitoyée en la voyant si émue. « T'impressionne donc pas tant, ma fille. Tu es une guisnou, après tout, et je me suis laissé dire que tu avais un certain orgueil de l'être, que tu croyais aux origines des tiens, à des grands ancêtres de féodalité qui auraient été la souche de ta famille. Eh bien, tu as raison, et tu peux en être fière. Il y a si longtemps que je suis sur cette terre que j'ai pu voir de ces guisnous qui portaient encore en eux des marques certaines de cette naissance. C'était avant des malheurs abattus sur les vôtres, avant des choses qui ont petit à petit miné la race, comme la mer ronge les falaises, enlevant un jour ceci, le lendemain cela. » La jeune fille reprenait courage, essayant un pâle sourire, se souvenant de la tombe de l'église Saint-Matthieu. Elle murmura « Les premiers habitants de la terre, c'est si loin. » « Oh, je ne remonte pas jusque-là. Mais tiens, dans mon enfance, les guisnous avaient une telle réputation d'honneur, d'honnêteté, qu'on venait de partout aux environs leur demander conseil ou arbitrage, tout comme s'ils eussent encore été les guicasnous, les descendants un peu transformés mais incontestés de ces seigneurs qui ont leur écusson au clocher de l'église chez toi. » Et une dalle mortuaire dans notre nef. C'est quelque chose, vois-tu, même quand on est de pauvres gens, de voir tant d'estime venir à vous, et il y a une petite satisfaction intérieure à savoir que ceux du même sang qui vous ont précédé dans la vie ont possédé autrefois la plus grande partie de la paroisse où vous vivez de ce plougasnou qui, relevant de Tréguier, avait pour trêve, comme on appelait alors les coutumes, Saint-Jean-du-Doigt. Ainsi, nous dépendons un peu de vous. Elle eut son sourire cassé. « Je dois te paraître bizarre avec mes mots, mes savantailleries. Mais je suis d'autrefois, moi, de ce qu'on appelle l'ancien régime. J'étais déjà trop ancienne pour changer quand tout a été bouleversé. Ah, si celui d'ici avait pensé comme moi. Mais non, au contraire. Et c'est ce qui a tout gâté. C'est ce qu'il a perdu, le malheureux. » Malgré elle, Anne commençait à s'intéresser à ce récit étrange, tout haché d'interjections, de phrases qui ne semblaient s'y rattacher en rien, de gestes qui dessinaient des choses inconnues d'elle, et c'était comme les ténèbres du passé qui passaient sous ses yeux ainsi que des grands nuages s'échevelant sous le souffle de la bourrasque. Tinaïk Cornou lui apparaissait en ce moment comme une sorte de magicienne inspirée, évoquant les choses d'autrefois et les faisant revivre. Quant à cette famille des guisnous que j'ai connue à l'époque, pas de plus unie, de plus observatrice des traditions de notre cher pays. Ah, il fallait voir ton aïeul, le vieux Corentin guisnou, le père de ton oncle, un vrai patriarche. Malheureusement, quand il est mort, il ne laissait que deux fils pour continuer la race et le nom. De beaux gars, ma foi, et qui s'entendaient et qui s'adoraient, les deux doigts de la main, on pouvait l'affirmer. L'aîné, ton père, Pierre-Marie, plein de volonté, d'énergie, n'ayant qu'un défaut, sa tête. Oh, une vraie tête bretonne! Quand il y avait planté une idée, bonne ou mauvaise, rien ne l'en pouvait plus démarrer. On l'eût tué qu'il se fût laissé hacher en morceaux plutôt que de changer ou de céder. Et je constate qu'il est demeuré le même. La jeune fille n'ignorait pas ce défaut de son père. Elle expliqua. Il ne le fait que pour le bien. Possible, répartit son interlocutrice. Quoi que ça puisse mener loin un crâne de fer comme ça, tout d'une pièce, et que, pour ce qui est arrivé, il eût mieux valu un peu moins d'entêtement en rapport à des tas de considérations. Mais voilà, je poursuis. Ton père, donc, tout entier dans les traditions de famille, les respectant et voulant qu'elles soient respectées, orgueilleux de son nom, sans trop le montrer, parce que, après tout, c'est un brave et honnête homme, qui connaît ses devoirs, s'il sait ses droits, et qui est serviable aux autres, aux camarades. Son frère, ton oncle Antoine, celui-là. » Sa béquille pointa sur la dalle funèbre. Un caractère tout différent, vif, enthousiaste, en dehors autant que Pierre-Marie était calme, silencieux, renfermé. Malgré cette différence, l'un ne pouvait se séparer de l'autre, d'autant plus que l'aïeul Corentin étant mort, lorsque son aîné avait 18 ans, le cadet, de 5 ans plus jeune, avait été en partie éduqué par Pierre-Marie. C'était son frère et un peu aussi son fils, ce cadet. Elle s'interrompit un moment, rêveuse, pour reprendre. « Je les revois ensuite au moment de leur mariage. Ce fut l'aîné qui commença, épousant Françoise, une fille de chez nous, de Saint-Jean-du-Doigt, la sœur de Guillaume Guyadère, une courageuse pleine de mérite. » Anne Guisnoux éprouva un sentiment de reconnaissance à entendre la vieille femme parler ainsi de sa mère, et ses préventions contre Tinaïque s'affaiblissaient. Elle commençait même à se demander pourquoi elle l'avait si longtemps méconnue et ce qu'elle pouvait avoir à en craindre. Mais l'autre poursuivait, attentive à ne pas perdre la suite de son histoire. Antoine épousa à 20 ans à peine une femme de 2 ans plus âgée que lui, de Saint-Jean-du-Doigt également. C'était une cousine à moi, Jeanne-Marie Cornoux, pas méchante fille, mais impatiente de toute dépendance. Ce fut elle qui amena Antoine à se fixer à Saint-Jean-du-Doigt et à quitter Plougasnou, où de tout temps les Guisnoux étaient toujours restés. Cela jeta la première ombre entre les deux frères. Un nuage très léger, mais un nuage. Pierre-Marie, avec son caractère tout d'une pièce, vit dans ce départ un abandon de la tradition familiale, presque une désertion. Il ne sut pas garder sa contrariété pour lui et la fit connaître à son frère. « Si peu de choses, » objecta la jeune fille. « Il eût été facile de s'expliquer, de faire comprendre. » Tinaïque lui posa la main sur le bras. « À Antoine, peut-être. » Mais il y avait sa femme qui lui fit honte de paraître se laisser mener par son aîné de 5 ans seulement. Elle sut tant et si bien entortiller son mari que celui-ci en conçut un peu de rancune contre Pierre-Marie et exagéra son indépendance par des paroles qu'il eût mieux fait de ne pas prononcer. C'était donc une méchante femme? Ma cousine? Nullement. Une maladroite plutôt et une orgueilleuse. Du reste, elle a été si cruellement punie qu'on peut bien lui pardonner, la pauvre créature. Dieu la repose. Elle a péri comme une damnée. Anne sentit le frisson la reprendre. Oui, fit Tinaïque. Presque aussitôt, des enfants étaient nés dans chaque branche, se suivant d'assez près. D'abord, chaque frère eut un fils. Alain, ton aîné à Plougasnou, Guy à Saint-Jean-du-Doigt, ce qui provoqua un rapprochement entre les deux ménages à l'occasion des baptêmes des deux cousins. Il semblait que tout allait continuer comme par le passé et que la séparation étant acceptée, les deux branches, l'aîné et la cadette, feraient souche pour l'avenir dans les deux bourgs, répandant un peu plus la famille Guisnoux sur ce territoire qui avait appartenu aux ancêtres. Quelqu'un avait même eu l'ingéniosité de faire remarquer à Pierre-Marie que, en somme, lui l'aîné, le chef de la famille, étant le seul véritable représentant de la tradition, la continuait à Plougasnou, lieu d'origine, mais que son frère n'y dérogeait pas en l'implantant à Saint-Jean-du-Doigt, dépendance de Plougasnou. En effet, remarqua Anne intéressée, tout aurait encore pu se remettre sans le mouvement révolutionnaire qui commençait à agiter même notre pauvre coin de terre si loin de tout, si peu au courant de ce qui se passait ailleurs. La révolution. Du premier jour, tandis que Pierre-Marie Guisnoux s'ancrait dans la résolution inébranlable de soutenir le passé, de défendre le roi et l'Église, prenant parti pour tout ce qui existait contre tout ce qu'on voulait apporter de nouveau, Antoine, subissant des influences étrangères, cédait peu à peu au mouvement que sa nature exaltée, facilement révoltée, accueillait avec un certain plaisir. Là encore, sa femme fut la mauvaise conseillère, tout au moins au début, car plus tard, elle essaya en vain de le retenir. Il était trop tard. Bientôt, délaissant sa ferme cependant prospère, les champs, les bestiaux, Antoine Guisnoux vécut plus à Morlaix qu'à Saint-Jean-du-Doigt, fréquentant les clubs, liant connaissance avec les plus exaltés des révolutionnaires et se passionnant de plus en plus pour les idées nouvelles. « Je comprends, murmura Anne, songeant à la douleur qu'avait dû éprouver son père en présence de ce qu'il devait, avec ses idées intransigeantes, considérer comme une apostasie. La vieille la contempla un instant. « Que diras-tu donc quand tu sauras tout ?»« Comment, il y a plus ?» Elle n'osa achever et les questions se pressaient sur ses lèvres, en même temps qu'au fond de son cœur, une abominable angoisse grandissait. S'il se fût contenté de pérorer dans les clubs, d'afficher à Morlaix son civisme, mais cela ne suffisait pas à son enthousiasme croissant, il voulut lui aussi agir en maître, montrer son pouvoir, et c'est à Saint-Jean-du-Doigt, c'est à Plougasnou qu'il revint, avide de faire des prosélytes. Un jour, ah, je m'en souviendrai toujours, car je me trouvais là entouré d'amis. Le bonnet rouge sur la tête, il arriva à Plougasnou à la stupéfaction générale et osa monter à la croix pour y faire un discours contre les prêtres et contre les rois. C'était la première fois qu'on voyait pareille chose. Alors, devant toute la commune réunie, Pierre-Marie Guisnou alla à lui, lui jeta à la face les reproches les plus durs, l'appela renégat et finit par l'arracher lui-même de cette chaire qu'il l'accusait de déshonorer. Il n'était pas le plus fort, il dut partir, s'enfuir sous les huées, mais il jura de se venger. La pauvre petite écoutait terrifiée, croyant à peine ce qu'elle entendait, se demandant si vraiment ces choses avaient eu lieu, si cet homme, le frère de son père, son oncle, avait pu oublier à ce point son origine, son amour fraternel. Il lui semblait qu'elle vivait dans une sorte de cauchemar, que Tinaïque Cornou se haussait peu à peu, grandissait, devenait géante devant elle, que c'était la sorcière qui parlait, qui inventait pour la terrifier et non plus la conteuse courbée en deux. La vieille voix usée continuait implacable. Désormais, grâce à Antoine Guisnou, Plougasnou, Saint-Jean-du-Doigt et toutes les communes aux alentours vécurent sous l'impression d'une terreur ininterrompue. La terreur, 1793. Tu venais de naître, précisément, petite, au moment où cette fureur de ton oncle contre son propre pays natal redoubla. Moi, j'avais pitié, je le plaignais, car je sentais qu'il souffrait, que quelque mauvais mal, dont je ne pouvais le débarrasser, devait le dévorer lentement et que son cerveau était frappé. Ah, si seulement, au lieu de sa femme terrifiée du démon qu'elle avait déchaîné et tremblante devant lui, au lieu de ces deux malheureuses innocentes petites filles, Marie-Anne, âgée de 8 ans, et Corentine, de 5 ans, il avait eu son fils. Mais celui-ci, en 1792, l'année précédente, était parti comme mousse, à 9 ans, sur un bâtiment de commerce. Antoine était seul avec ses passions, avec son cerveau faussé par tout ce qu'il avait entendu. Alors ce fut terrible. Son dos voûté s'abaissa encore comme sous le poids de ce passé redoutable. Elle reprit. « Terrible, on peut dire. Lui, un de cette race qui avait été toujours l'appui, la consolation, l'espoir, il fut l'épouvante et la désolation du pays. Par lui, grâce à lui, les dénonciations, les proscriptions, les arrestations s'abattirent sur les familles qu'il considérait comme lui étant hostiles. Les prêtres durent s'enfuir pour éviter la prison, pis encore, le fantôme menaçant de cette guillotine qui fonctionnait si terriblement là-bas à Brest devint l'ombre permanente et géante planant comme un grand oiseau de ténèbres, de massacre et de sang au-dessus de Plougasnou et de Saint-Jean-du-Doigt. La guillotine ? Le spectre rouge se dessina, tel qu'elle l'avait vu dans des images sur la farouche époque, devant les yeux affolés d'Anne Guisnou. Oui, la guillotine. Ah, c'est que les sans-culottes ne plaisantaient pas et qu'il fallait en passer par tout ce qu'ils voulaient. Mais son plus grand crime à ce malheureux Antoine, c'est ici, à Saint-Jean-du-Doigt, qu'il le commit, le jour même du pardon. Quelque temps auparavant, il avait déclaré publiquement que de gré ou de force, il s'opposerait à ce qu'on le célébrât, ce pardon, et que ceux qui l'organiseraient seraient dénoncés et traduits devant le tribunal révolutionnaire. Tous tremblaient dans l'attente des événements. Le 23 juin, j'avais dû m'absenter pour aller voir un malade dans la campagne du côté de Lopkirek. Ce n'est qu'à mon retour qu'on m'a raconté la chose. Mais je me rappelle encore le temps qu'il faisait. Un temps si extraordinaire. Tiens, écoute, je revois tout, tel que je l'ai su à mon retour, le soir même de cette sinistre journée. Elle s'absorba un instant, la tête basse, et son intonation se fit plus sourde, caverneuse, comme venant de profondeurs sépulcrales. Le ciel est très sombre, pesant d'orage avec de gros nuages cuivrés pleins d'éclairs et de grondements sourds. Bientôt, on distingue encore assez loin sur la route venant de Morlaix et descendant vers Saint-Jean-du-Doigt un roulement continu, croissant, et le piétinement d'une troupe en marche. L'émoi est partout. Les habitants se cachent, et c'est à peine si des enfants, des femmes, quelques hommes restent pour voir, prêts à fuir, embusqués derrière les arbres, les haies. Les tambours en tête, armés de piques, de coutelas, une vingtaine de sans-culottes paraissent, conduits par Antoine Guizenoux, sabre au poing. Un drapeau rouge, surmonté de ce même bonnet rouge qui coiffe le chef, et ceux de ces hommes qui ne sont pas affublés d'espèces de toques de peau de bête, flottent au milieu d'eux. Ils se font ouvrir de force la grande porte du cimetière, envahissent le champ de repos, foulant aux pieds les tombes, criant, riant, jurant. Leur intention, c'est d'entrer dans l'église, de décapiter les statues, de briser les vitraux, de renverser les autels, de piller le trésor, de tout ravager. Ils avancent. C'est presque la nuit, tant les nuées sont basses, noires et sulfureuses. Antoine va tout droit au porche, le blasphème à la bouche. Ses hommes chantent. Soudain, le fracas du tonnerre emplit la vallée d'une décharge si terrible que tous les bruits s'engloutissent sous cette détonation semblable à des milliers de pièces d'artillerie tirant à la fois. Une flamme aveuglante embrase l'église, le cimetière d'une immense nappe de feu rouge, et dans cette lueur distinctement, tous aperçoivent, dressés devant le porche sacré, gigantesque, deux archanges, l'épée nue et flamboyante au poing, casque sur la tête, protégés par d'éblouissantes armes, les prunelles pleines d'éclairs. Ce fut alors un sauve-qui-peut général, des cris de « Saint-Michel et Saint-Georges », et toute la bande s'enfuit en désordre, épouvantée, sans commettre le sacrilège qu'elle méditait. L'église était sauvée, défendue par le ciel qui avait envoyé ses archanges guerriers pour la protéger. « Madoué !» bégayait Anne, et tout son être frémissait d'horreur et de surprise. Thinaïque Cornou poussa un soupir et se redressa un peu. Le même soir, à l'heure exacte où d'habitude, pour terminer la fête du pardon, on allume le tantad, tu sais bien la meule d'Ajon, décorée de feuillages, de rubans et de fleurs, placée sur la montagne et reliée au clocher par le câble d'où descend la fusée. À la nuit close, une énorme lueur rouge embrasait subitement la montagne, la vallée, les falaises, et se reflétait dans les immenses nuages où grondait encore l'orage finissant. On crut d'abord à un miracle, au bûcher de Saint-Jean allumé par l'archange. La foudre venait de tomber sur la ferme d'Antoine Guizenoux. En quelques instants, sans qu'il fût possible d'arrêter le progrès de l'incendie, bâtiments, récoltes, bestiaux, tout disparaissait dans le désastre. Mais ce qu'il y eut d'atroce, ce furent les cris qu'on entendit. Je revenais de Lopkirek, j'allais rentrer chez moi sur la grève, le brasier était dans toute sa violence. Ces cris m'arrivèrent déchirants. Oh, je les entends toujours. Pauvres innocentes, Marianne, ma filleule Corentine et leur mère Jeanne-Marie, toutes trois brûlées vives avant que quelques braves gens puissent arriver jusqu'à elles. On les retrouva calcinées dans les décombres. « C'est atroce !» murmura la jeune fille, et une pitié grandissait dans son cœur pour le coupable ainsi frappé dans les siens, pour ses victimes. Antoine était retourné à Morlaix. Il revint à Saint-Jean-du-Doigt fou d'épouvante. Il tremblait comme un vieillard et se glissait la tête basse, la face ravagée par les rues, n'osant affronter personne et fuyant les regards. Sa misère était telle que si on ne le plaignait pas, car il avait fait trop de mal, et c'était encore trop récent, nul ne songea à se réjouir trop ouvertement de le voir ainsi. Du reste, il s'alita presque aussitôt, et seule, toute seule, je le soignais, je veillais. Personne autre ne l'approcha, personne, pas même son frère, demeuré implacable. Le malheureux. Un seul espoir pouvait le rattacher à la vie, son fils. Dans le courant de 1794, une lamentable nouvelle nous fut transmise. Le bâtiment sur lequel Guy Guisnou se trouvait comme mousse avait péri corps et biens en pleine mer, loin de toute côte. On n'en avait retrouvé que quelques planches flottant à la surface de l'eau. Quel châtiment, quelle expiation, fit Anne atterrée. Oui, continua la vieille femme. Alors, abandonnée de tous, repoussée par son frère que tant de malheurs n'avaient pu apitoyer, désespéré, il est mort, tué par le chagrin, par le remords, par son mal, et c'est moi qui l'ai fait enterrer ici, derrière la chapelle funéraire, pour que cette ombre sainte le protégeât un peu et racheta son passé. Peu à peu, un certain oubli est venu pour lui. L'herbe a poussé et a fini par cacher son nom, pour effacer cette dalle funèbre. Les plantes croissant, les débris et les pierres repoussées de ce côté en ont fait un endroit désolé, abandonné, qu'on a appelé le coin du maudit, sans que beaucoup sachent qui dort là depuis bientôt 20 ans. Elle secoua la tête à plusieurs reprises, rêvassant comme se parlant à elle-même. Et voilà qu'après si longtemps, une main inconnue a fait reparaître le nom disparu. Le nom du maudit, c'est étrange. Puis reprenant son ironie mélancolique, « Hé hé, que dis-tu, petite, de mon histoire, de ma belle histoire ?» Mais sa raillerie tomba quand elle vit Anne Guisnou, les yeux pleins de larmes, se mettre pieusement à genoux devant la triste sépulture et s'abîmer dans ses prières, et elle s'éloigna doucement en marmottant à voix basse.